rien, n'est-ce pas? Bien sûr, on y croit. C'est pathétique, en fait, t'investis dans les airbags sans jamais vraiment prendre la route. Et tel est ton chemin de croix. T'as pas compris la vie, le système t'a embobiné. Quand arrivera le jugement dernier, que t'auras rembobiné, tu comprendras qu'on t'a manipulé. Dicté ta conduite, poussé à consommer comme des addicts à l'héros que l'on piquerait. Obsédé par la réussite, t'en as pas la définition. Et le dictionnaire qu'ils te donnent est celui qu'ils veulent que tu lises. Donc tu t'acharnes sans rémission et tu crois à leurs émissions, leurs infos et leurs pubs débiles. Et dans l'idiot, si tu t'enlises, l'esprit de révolution, on laisse ça aux ancêtres. Ils se sont battus pour qu'on puisse avoir des vies un peu dignes. C'est la merde et rien ne change, ça change pas en le disant certes. Mais ça reste mieux que de se mentir face au miroir que l'on piétine. Il est temps de faire tomber les masques. Regarde les choses en face. Où est donc passée ta fierté? Hypocrisie est la plus belle preuve de lâcheté. Écrasé par ton écran plat, ta hargne s'est éteinte dès l'instant où il s'est allumé. Et malgré toutes ses teintes en gris intégral, c'est ainsi qu'il l'a peinte. Ta putain de vie définie par un train, train sans étreinte ni contact. C'est triste de vivre sous la contrainte, rassurant bien au contraire quand l'hypnotisation fonctionne. Après tout, tout va bien, putain, arrêtons de nous plaindre. Bien sûr, le monde est beau, je compte sur toi pour que tu le cautionnes. Indignons-nous, y'a pas besoin de Stéphane et celle pour ça. Car nos valeurs dépérissent, elles se fanent, et c'est pour ça qu'on doit en prendre soin tous les jours, en vendre des bouquets. J'ai trop avalé de couleuvres, ça a fini par me dégoûter. Les écouter n'en plus la peine. Leur disque est bien trop rayé, je crois plus à leur foutu mensonge. Jubri et supercherie, qu'ils camouflent la peine. On perd notre véritable image en étant foutrement sage. Il est temps de faire tomber les masques. Regarde les choses en face. Où est donc passée ta fierté? Hypocrisie est la plus belle preuve de lâcheté. Prétends aimer ton job, plie-toi devant ton boss. Pour le bien de tes gosses, achète une maison bien grosse. Accepte d'être baisé, puisque la vie c'est ainsi. Et baise les autres à ton tour, puisque la vie c'est un cycle. Continue de te persuader que t'y peux rien, que t'as aucune maîtrise. Que penser avoir de l'influence sur les choses est une méprise. Moi je vends la matrice, et putain ça m'attriste. Je suis seul dans mon combat contre ces putains de machines. Plus des matérialistes que le mal altère, malice, vice, sévice. Nous sommes tous des putains de complices. C'est un système qu'on critique en affirmant qu'on n'a pas d'autre choix que de s'y plier. L'état, la société, l'argent sont les vrais rois. Ils font les lois et les cons tournent à leur guise. Donc à quoi bon leur dire? Autant les suivre et leur faire la bise. Il est temps de faire tomber les masques. Regarde les choses en face. Où est donc passée ta fierté? L'hypocrisie est la plus belle preuve de lâcheté.